À l'occasion du 127e anniversaire de la Fête internationale des travailleurs du monde entier, le 1er mai, le journal coréen Rodong Sinmun de lundi présente un éditorial titré « Faisons preuve de l'esprit héroïque des travailleurs de la Corée du Sud dans la grande marche Malima ». L'éditorialiste écrit notamment « Les travailleurs coréens ont créé de génération en génération et de siècle en siècle l'exemple de l'époque de l'édification d'une puissance prospère. Ils en sont fiers et heureux. Ils sont appelés à s'unir plus étroitement autour du dirigeant suprême Kim Jong-un, symbole de la grandeur et bannière de l'invincibilité de la puissance Paktusan, à faire preuve de l'héroïsme de masse dans la marche générale vers la victoire du socialisme, suivant le programme grandiose avancé par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, pour ainsi se faire cavalier et pionnier Malima.